Nelly, ni Belle, ni Vigila. La mise en onde est assurée par Dori Nouimana. Merci, auditeurs et auditrices de notre station, de nous rester fidèles. Bonjour et bienvenue à cette grande édition de la mi-journée de ce 20 août 2019. D'abord, les grands titres. Les partis CNL, les CNDD, FDD partagent l'idée qu'ils devraient se respecter mutuellement dans leurs différentes idéologies politiques. Les leaders de ces partis politiques demandent aux jeunes affiliés à leur parti de couper court à l'intolérance politique. Vous allez entendre les leaders de ces partis dans cette édition. Et le Conseil national de la sécurité recommande aux banques de revoir les intérêts bancaires qu'ils qualifient de très élevés. Dans ce journal, vous aurez la déclaration irrelative du secrétaire permanent du dit Conseil général de brigade Silas Niguligua. Une prison de 20 à 30 ans, voilà la peine qui a été prononcée par la cour d'appel de Bouloulli contre 12 personnes arrêtées à Bouta pour atteinte à la sûreté de l'État, un jugement entaché d'irrégularité selon la défense. Et comme à l'accoutumé, tous les mardis, vous avez droit à la chronique santé. Et aujourd'hui, on vous parle de dépistage du VIH-Sida. Voilà pour les grands titres. Isanganiro. Rebonjour, économie pour débuter cette édition. Certaines des banques exigent des intérêts élevés aux demandeurs de crédit. Sur ce, le Conseil national de sécurité recommande au ministère des Finances et la Banque centrale de suivre de près cette situation d'ici 2 mois. Dans une réunion tenue vendredi, le secrétaire permanent du dit Conseil général de brigade, Silas Niguligua, explique que ses clients sont obligés de vendre leurs biens pour rembourser les crédits contractés suivis. Après avoir analysé la manière dont travaillent les banques en matière d'octroi des crédits dans leur système bancaire, le Conseil national de sécurité constate que la plupart des banques imposent à leurs clients des intérêts exorbitants aux demandeurs de crédit, au point même que ces derniers vendent tout ce qu'ils ont à leur disposition pour rembourser les dites banques, avec tout le risque de la dislocation des ménages. Le Conseil national de sécurité recommande au ministère en charge des finances de suivre et d'analyser cette situation pour que des mesures flexibles soient prises. Général de brigade Silas Niguligua, il est secrétaire permanent du Conseil national de sécurité. Certains habitants du quartier Ngabusolo de la zone urbaine de Kanyosh en commune de Moura craignent d'être emportés par les eaux de ruissellement provenant du quartier en cours de viabilisation. Comme constaté par nos reporters, les eaux de ruissellement se sont tracées en grand caniveau après la suspension des travaux de viabilisation depuis environ 3 mois, affirment ses habitants. Ils demandent aux services concernés de finaliser ses travaux avant la saison pluvieuse. Et reportant signé Mireille Naomi Nitegeka. Imvura aho bukigwira amazi aradutera ashobora kutugirira nabi twe tuba hepfo ya. Dans cette localité appelée Ngengausodo, l'on y constate un grand caniveau, un caniveau qui a été tracé par l'eau de ruissellement, comme en témoignent les habitants de cette localité. Certains craignent les dégâts qui peuvent surgir puisque les travaux de viabilisation ont été suspendus. Nous avons tellement peur parce qu'ils n'ont pas pu continuer les travaux de viabilisation. Bientôt, durant la saison pluvieuse, nous craignons que ça sera le pire pour nous qui habitons ici et surtout pour ce caniveau de Mugoyi. Tu vois, durant la saison pluvieuse, ce caniveau pourra être débandé et nous serons emportés. Une femme rencontrée en train de cultiver aux environs et qui habite ce lieu souligne qu'il y a même des maisons qui ont été démolies à cause de ces eaux de pluie. Selon moi, je trouve qu'il devrait finaliser les travaux de viabilisation parce qu'il y a des maisons qui ont été démolies à cause des eaux de pluie qui ont débordé. Donc ces propriétaires de maisons ont préféré déménager à Kigwati. Ces habitants demandent aux autorités concernées par la question de s'en occuper avant que la situation n'empire. Merci Mireille Naomi Nitegeka. Ce sujet, l'administration communale de Moura dit être au courant de cette situation. Daniel Kaboura fait savoir que la question réside sur les indemnités foncières qui n'ont pas encore été octroyées, exhorte la société immobilière publique à qui ces travaux avaient été confiés de vider cette question. Suivez l'administrateur communal de Moura, Daniel Kaboura. Je suis au courant de la situation et nous sommes déjà parlé avec les concernés et aussi l'entrepreneur qui est en train d'exécuter ses travaux. Et ce que j'ai constaté est qu'il y a des indemnités de ces maisons qui doivent être démolies et qui ne sont pas encore octroyées aux propriétaires des maisons qui doivent être démolies. Et donc, c'est le blocage, c'est le défi qu'éprouve l'entrepreneur qui est en train d'exécuter ces travaux-là. C'est pour cela que j'invite le CIP qui est en train d'exécuter ces travaux de donner ses indemnités afin que l'entrepreneur n'ait pas de défis ou des choses qui puissent bloquer la continuité de ses travaux. Daniel Kabura, il est administrateur communal d'Omoha, c'est en mairie de Bujumbura. Marquons une pause et on va parler cette fois-ci de politique. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Il est à présent 13h02 et nous poursuivons avec cette édition en page politique. Comme je le disais tout à l'heure, le parti Séné appelle ses militants à éviter la provocation avec les membres d'autres partis politiques. Agathon Rwasa, président de son parti, a lancé cet appel la fin de semaine dernière lors de l'ouverture de la permanence de son parti en province Muyinga. Il regrette cependant que certains administratifs ne rendent pas justice à son parti une fois saisi. Suivez-le. Il est traduit en français par notre confrère Alain Désiré Ukeyenet. Évitons toute provocation. En plus, si des cas pareils se présentent, ayez l'habitude d'informer l'administration. Leur rôle est d'aider à une bonne cohabitation. C'est le garant du respect de la loi. Toute personne lésée devrait avoir l'habitude de saisir l'administration. Celle-ci peut réagir positivement ou même négativement, mais je vous rappelle que c'est notre droit. Mais encore, il y a des fois où cette administration peut ne pas faire convenablement son rôle en agissant comme membre des partis politiques. C'est vraiment un grand problème. Avez-vous entendu là où les députés ou les ministres se sont chamaillés à cause des partis politiques? Il y a des fois où on peut être dépassé en prononçant ce qu'on ne peut pas dire. Je ne comprends pas comment une personne raisonnable peut passer des nuits à combattre un parti politique légalement agréé. Celui-ci a ses propres organes, de même que le pays. Si je viens ici à Muyinga, je ne cherche que l'administration, donc les autorités en charge de la sécurité ont leur propre organisation. Et en cas de difficulté, je me dirige vers eux et non pas au président d'un quelconque parti politique. Même son de cloche au sein du parti au pouvoir, CNDD-FDD qui demande à ses membres de ne pas tomber dans des divisions avec d'autres partis malgré la différence, car, explique-t-il, il partage la patrie. Évariste Ndayishimiye, secrétaire général de son parti, l'a déclaré également le week-end dernier lors de la célébration de la journée dédiée aux Imbonerakure affiliés au parti au pouvoir. Il souhaite que la jeunesse de son parti s'entende avec, en toute unité avec d'autres membres du parti qu'il ne partage pas l'idéologie. Suivez-le. Il est quant à lui traduit en français par Placide Nyamungere. Je demande à tous les Imbonerakure partout où ils se trouvent. Référez-vous aux autres qui sont à la tête des jeunes des partis politiques. Si tu diriges les Imbonerakure dans la commune, cherche un autre qui dirige les jeunes outre que ton parti. Asseyez-vous ensemble et dites entre vous de ne pas refaire ce qui s'est passé. Donnez un message d'apaisement. Leur faire comprendre que vous êtes là pour le bien-être du pays, que si demain votre parti gagne les élections, que vous ne serez pas leurs ennemis. Je vais entendre qu'un représentant des Imbonerakure et celui des jeunes du CNL se sont assis ensemble, statuant sur ce qui peut les diviser. Qu'est-ce qui peut séparer les jeunes du CNL à ceux du parti CNDD-FDD? Mener un dialogue et tranquilliser les autres. Faites-le avec les jeunes du parti Prona. Demandez-vous ce qui peut vous diviser. Franchement, je vous le dis, vous trouverez que vous êtes en train de vous chamailler pour rien. Par contre, il y a un point qui vous unit, c'est notre pays. Vous trouverez nulle part un pareil pays comme le Burundi. En plus, personne n'a le droit de chasser son compatriote. Vous devez cohabiter pacifiquement, donc mettez en avant le dialogue. Non, Les partis politiques qui veulent implanter une permanence dans telle ou telle autre localité doivent d'abord passer par l'administration. Selon l'assistant et porte-parole au ministère de l'Intérieur, seuls les administratifs ont la prérogative de juger un endroit quelconque qui est favorable à l'implantation d'une permanence. Tarcisse Niongabo le dit après que certains administratifs aient refusé l'implantation des permanences, soit près des marchés, soit près des bistrots. Et l'article 37 de la loi régissant les partis politiques stipule que toute installation de représentation locale d'un parti politique doit faire objet d'une déclaration adressée au gouverneur de province et à l'administrateur communal concerné. Donc, quand le gouverneur ou l'administrateur refuse l'implantation d'une permanence d'un parti politique au niveau de la commune, au niveau de la province, parce que c'est tout près du marché, parce que c'est tout près des cabarets, donc l'administrateur, il a raison. Il a raison, c'est lui qui doit gérer justement son entité territoriale et il doit implanter, permettre l'implantation d'une permanence d'un parti politique à un endroit, je dirais, neutre et qui ne va pas justement compromettre ou perturber l'ordre et la sécurité publique. Est-ce que pour le moment, c'est-à-dire qu'un parti politique qui veut implanter une permanence dans telle localité, il va d'abord passer par l'administration pour d'abord demander à l'administration si cet endroit est efficace ou est favorable à l'implantation de cette permanence? C'est cela. Donc, un représentant d'un parti politique qui veut ouvrir une permanence communale ou provinciale, il doit passer par ses autorités et ils doivent se convenir sur l'endroit approprié où il faut implanter une permanence d'un parti politique. Tarcisse Niongabo, assistant du ministre de l'Intérieur, porte-parole de son ministère, était au micro de notre confrère Oban Nyonghure. Entre-temps, le responsable des partis politiques demande à la Commission électorale nationale indépendante de tout faire pour qu'il y ait équilibre dans la représentation des partis politiques au sein des commissions électorales provinciales. Ils l'ont dit ce mardi au cours d'une réunion que la CENI a organisée à l'intention des responsables des partis politiques et des gouverneurs des provinces. Le président de la CENI a quant à lui promis que sa commission fera de tout son mieux pour organiser des élections paisibles et transparentes. Après une courte pause, on va passer en page justice. Parlons justice à 13h09. Je vous rappelle que vous nous suivez via le www.isanganiro.org, mais également sur Facebook en live. N'hésitez pas de liker. Un emprisonnement allant de 20 à 30 ans, telle est la peine prononcée par la cour d'appel de Bururi le soir de ce lundi contre 12 personnes arrêtées le 11 août 2019 à Boutan, commune et province de Bururi. L'accusation d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État portée contre eux et qui est à la base de ce jugement a été mal qualifié selon les avocats de la défense. Jean-Pierre Misago a suivi cette audience publique et voici sa correspondance. Dans cette audience publique siégeant en matière de flagrance à la cour d'appel de Bururi l'après-midi de ce lundi, la qualification de l'infraction commise a dominé les débats. Pour la défense, ces 12 personnes ont tenu une réunion illégale, punissable selon l'article 18 de la loi numéro 1/28 du 5 décembre 2013, portant réglementation des manifestations sur la voie publique et réunions publiques. De son côté, le procureur général, près la cour d'appel de Bururi, s'appuyant sur une projection d'une vidéo de la réunion et le contenu des éléments sonores qu'ils ont échangés lors des préparatifs de cette réunion, les a accusés d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État, punissable selon l'article 609 du Code pénal burundais, livre 2. Après 30 minutes de délibération, trois personnes accusées d'être à la tête de l'organisation et la tenue de cette réunion, dont un avocat de Bujumbura, un magistrat du parquet de Bururi et un enseignant de la commune de Zanda, ont écopé de 30 ans de prison ferme et pour les 9 autres participants dans cette réunion, une peine de 20 ans de servitude pénale. La défense reste persuadée que ce jugement est fondé sur une fausse qualification de l'infraction commise. Jean-Pierre Misago, depuis Bururi, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre Misago. Justice toujours cette fois-ci à Mwaro. Une peine de servitude pénale de 2 ans et une amende de 300 000 francs burundais. Tel est le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Mwaro ce mardi à l'endroit d'une dame de la colline Bouguera, commune Ndava de la province de Mwaro. Cette femme est accusée d'avoir fabriqué ce lundi la boisson prohibée dite Mudilingi au cachot où elle est incarcérée depuis vendredi de la semaine dernière. Pour fabrication de la même boisson, le parquet avait requis contre cette dame une peine de servitude pénale de 2 ans et une amende de 500 000 francs burundais, ainsi qu'une peine de servitude pénale subsidiaire selon les articles 520 et 521 du Code pénal burundais. Cette dame a plaidé coupable lors de ce procès. Radio Isanganiro, chronique santé. Dans la chronique santé d'aujourd'hui, l'autotest est l'un des examens utilisés dans les nouvelles stratégies de dépistage du VIH. Le directeur du programme national de lutte contre le sida explique que ce test est d'une personne à se faire dépister sans toutefois arriver à l'hôpital. Le docteur Emenda Izey indique que ce test ainsi que d'autres ont été adoptés dans les directives de 2018 remplaçant celles de 2016. Autre stratégie de dépistage, c'est dans cette chronique santé préparée et présentée par Onela Mucho. Dans les nouvelles directives de 2018 concernant le dépistage du VIH, le directeur du programme national de lutte contre le sida indique que lors du dépistage volontaire, le test peut être porté dépendamment des risques d'exposition au VIH de la personne. Le dépistage à l'initiative du prestataire, ça veut dire que si une personne vient se dépister, le prestataire, quand il fait le counseling avec la personne, il évalue les risques d'exposition au VIH. Et si le risque est retrouvé, la personne est dépistée. S'il n'y a pas un risque, avec le consentement de la personne et du prestataire, on peut décider de reporter le dépistage. Docteur Emenda Izeye indique qu'il y a un autre test appelé autotest donné à une personne jugée qu'il consulte rarement l'hôpital. On peut noter aussi qu'il y a la stratégie qu'on appelle le taux dépistage, autotest. C'est surtout destiné à ces personnes marginalisées, à ces personnes qui n'ont pas souvent l'habitude de fréquenter les structures de soins pour les susciter à venir fréquenter le secteur. Donc, si un test est négatif, donc pour l'autotest, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème. Et si le test est positif, on appelle réactif, là, la personne est appelée à venir au niveau de la structure de soins pour faire une confirmation à l'autre test qui est utilisé au niveau de la structure. Donc ici, vous comprenez qu'il y a quand même un triage déjà au niveau de la communauté. Ça veut dire que viendront au niveau de la structure les personnes qui ont été positif à l'autotest. Une fois qu'un membre de la famille est détecté positif, Dr Ndaizeye indique que dans ce cas, on fait recours à un dépistage familial. Chez la femme enceinte, là on dépiste systématiquement le VIH dans le cadre de la PTME et là on utilise un test qui fait en même temps le VIH et la syphilis. Là aussi la stratégie de dépistage familial, surtout quand dans la famille ici, on retrouve une personne qui est dépistée sur positive à VIH, par exemple après le mari, on décide pour dépister et sa femme, et pour dépister aussi l'entourage familial, ses enfants, pour voir s'ils n'ont pas aussi été infectés par le VIH. Il souligne toutefois que le médecin peut juger nécessaire un dépistage indexé. Là aussi, le dépistage indexé, ça veut dire qu'à partir d'un cas positif, on cherche aussi à retrouver, par exemple, les contacts sexuels qui pourraient avoir eu avec la personne dépistée sur positif pour les dépister et finalement les enrôler au traitement. Le directeur du programme national de lutte contre le sida, Dr Emenda Izeye, indique que dans ces nouvelles stratégies de dépistage du VIH ont été adoptées dans le but d'utiliser peu de tests mais détecter beaucoup de personnes séropositives. Merci, Ornella Mocho. Et bien voilà, à 13h15, ainsi s'achève cette édition. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci également à Dorine Nouimana pour la mise en onde, à toute l'équipe de la rédaction. Je leur dis merci pour la réalisation. Elie Nibel Nivigira à sa présentation. Je vous souhaite de passer un excellent après-midi. Au revoir.